voir au bout des doigts un rayon de soleil qui tendrement caresse la lèvre d'un enfant. Un sourire qu'on lui donne, que la main qu'on lui tend, qu'un cœur qui l'enveloppe change en son regard la détresse en amour. Oui, tout donner à n'importe quel prix pour vivre auprès de lui et l'aider à marcher. Donner, oui, tout donner. La lutte au quotidien, sans discours ni fusil, contre cet ennemi qui dérobe à la vie ce qu'il peut de bonheur. La misère a ce masque innocent de l'enfant qui subit sans comprendre les coups de désespoir. Donner, oui, tout donner à n'importe quel prix pour être auprès de lui et l'aider à marcher. Donner, oui, tout donner. Savoir enfin ami, te dire que l'amour, c'est construire des remparts de centaines de mains qui se tendent et agissent, palpitent et savent vivre de la force d'aimer qui laisse au bord du cœur un ourlet de tendresse bien plus fort que l'idée